Father, in the name of Jesus. Lord, we appreciate you and we recognize you. We honor you, our Father in heaven, the Father of our Lord Jesus. We also glorify you, our Father. We adore you, mighty Father in heaven. And we magnify you in this place tonight. In the name of Jesus. That Father, once more you may visit us in this place. These are your people. You know these people, Jehovah. Father, you have loved them. You have kept them safe until this day. And you have given them the salvation of our Lord Jesus. Father, even as we begin this service tonight, may the honor and the glory be unto your name. May the honor and the glory be unto the name of the Holy Spirit. May the honor and glory and majesty and power be unto our Lord Jesus. Father, send your Holy Spirit to take the most central place here tonight and lead this precious service. Father, see your people have come here. Some of them have diabetes. Some of them have problems in sight because of diabetes. Some have other problems, Jehovah. You can heal your people tonight. I bless you for your mercies, Jehovah, that you will continue the good work you started in the morning here. And I give you special thanks, our Father in heaven, for the healings, the tremendous healings you brought here this morning. I appreciate you, precious Jesus, for passing here this morning and healing people in this mighty house of the Lord. I bless you, Holy Spirit, and thank you, precious God the Spirit, for visiting this place this morning and healing the lame people in this place, healing all kinds of diseases, the blind. Now I welcome you, mighty Holy Spirit, to continue the good work that you have set forth in this house. Restore the blood sugar in their bodies. Restore their hearing, those that do not hear. Restore their sight, even the keyboardist. Lord, restore his sight and blood sugar. Look, he sits before your holy presence. What testimony would he have, Jehovah, if you did not heal him? Thank you that now you are visiting him. that he may continue to worship before your holy presence. Even the pastor from London, Lord, restore his baby in the hospital. Restore his blood sugar. Restore his relationship with his wife. Restore his ministry, Jehovah, that he may be able to bring the God that heals, the Jesus of Nazareth, to the people he pastors. May your will be done here today. Heal spinal cords. Heal broken backs. And restore every single malady here. Every disease, restore people that are carrying the pain. Every sickness, restore the fibers of those who are aching. Lord, heal your people here tonight. For the glory of Christ Jesus the Messiah. In the name of Jesus. Amen. Amen. Let us clap to the Lord. Si on peut applaudir pour le Seigneur. You can sit down in the presence of the Lord. Je vais vous mettre dans la présence du Seigneur. I'm going to share a little bit here. Je vais partager un peu. Increase his microphone a little bit, the volume. Si vous pouvez augmenter le micro de l'interprète. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Thank you so much. What a mighty day we have seen here. Quelle journée puissante nous avons eu ici. There are enough seats. The Lord bless you. Il y a plusieurs sièges par là, que le Seigneur vous bénisse. And we've seen a tremendous week in this church. Nous avons eu une semaine merveilleuse dans cette église. And the Lord spoke very, very heavily here. Et le Seigneur a parlé puissamment ici. He spoke the word he is saying to the church right now. Il a parlé du message qu'il a pour l'église en ce moment. At greater length, I gave you what God is saying right now to the church of Christ. De manière extensive, j'ai partagé avec vous ce que le Seigneur a pour message pour l'église de Christ. And it seems as though if she wants to sit here, it's okay, she can sit si here. Si elle veut se mettre ici, elle peut, c'est bon. In fact, there are other seats. Come and sit near the pastor here. Maman Eugénie, si vous voulez vous mettre à côté du pasteur là-bas. Let us clap to Jesus. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Hallelujah. You are welcome to sit in the house of the Lord. Vous êtes la bienvenue de vous mettre dans la maison du Seigneur. You are the most important in the house of the Lord. Vous êtes les personnes les plus importantes dans la maison de l'Éternel. And so the Lord spoke, and the bottom line is that he is asking the church to return to holiness. Le point final est que il demande à l'église de rentrer à la sainteté. That the church has for a long time drifted away from holiness. De laquelle l'église s'est pendant longtemps éloignée de la sainteté. And then I released even the deepest of the deep revelation regarding the coming of the Messiah. Et je vous ai parlé des choses les plus profondes concernant le retour du Messie. The deepest of the conversations. Les profondeurs des conversations. The Lord spoke about the wedding of the Lamb of God. Le Seigneur a parlé du mariage de l'agneau de Dieu. And the bottom line is that the church has moved away from the fear of the Lord. Et le point essentiel c'est que l'église s'est éloignée de la crainte de l'Éternel. The church had drifted away and become worldly. Et l'église s'est éloignée et devenue mondaine. She's living like the world. L'église vit comme le monde. And the Lord said he longs to visit the church. L'Éternel a dit il aimerait visiter l'église. Because the dispensation has arrived for the latter visitation. Car la dispensation est là pour la dernière visitation. I beg you that are writing the Mudoni is not to write and just pay attention to this. It will really help focus. Pour ceux qui vous sont en train d'écrire, je voudrais vous demander de ne pas écrire et de faire attention. He said the church should return to him. Il dit l'église devait retourner à lui. He longs to speak to her directly. Il voudrait lui parler directement. And then revive her. Et la refaire revivre. Restore her. La restaurer. He longs to bring a mighty visitation in the house. Il aimerait apporter une visitation puissante dans la maison. And we saw that that is consistent with scripture. Et nous voyons que c'est consistant avec la parole. That he promised in the book of Amos chapter 9. Qu'il a promis dans la parole dans le livre d'Amos chapitre 9. Verses 11 and 12. Au verset 11 et 12. When he said in those days. Il dit en ces jours-là. I will return. Je reviendrai. And restore David's fallen tent. Et je restaurerai la tente tombée de David. Its ruins I'll rebuild. Je vais rebâtir sur ses ruines. Its broken places I'll restore. Et tout ce qui était brisé, je vais restaurer. And build it as it used to be. Et la rebâtir telle qu'elle était. Remember the way it used to be. Souvenez-vous comment elle était. Before the fall of man. Avant la chute de l'homme. Remember that Adam used to walk with God in the cool of the day. Rappelez-vous, Adam avait l'habitude de marcher avec Dieu pendant la fraîcheur de la journée. That is the fellowship God is longing to have with man right now. C'est la communion que Dieu aimerait avoir avec l'homme en ce moment. So he may walk with the church in the cool of the day. Afin de marcher avec l'homme dans la fraîcheur de la journée. But when men fell, then the drifting, the rifting, the wafting away. Alors, lorsque l'homme est tombé, il y a eu la séparation, l'éloignement. And we saw the culmination of this mighty message this morning. Et nous avons vu la combinaison de ces différents messages ce matin. The finishing, the bringing down now the boat to the shore. Et pour finir, en ramenant le bateau près du port. As I start getting my rearing away from the land. Après, maintenant que je m'approche à rentrer. I am turning this ship to face away from the land and then leave. Je suis en train de tourner le bateau qui s'éloigne de la terre pour partir. And we saw evidence that the Lord wants to revisit the church. Et nous avons vu la preuve que l'Éternel voudrait revisiter l'église. When they threw down their walking sticks. Lorsqu'ils ont jeté leurs cannes. The pain disappeared. La douleur a disparu. And the precious man who was sitting there, God was speaking to me about his sight. Et l'homme qui était là, Dieu me parlait de sa vision. When the doctors for more than years had said they would have to walk with this forever. Alors que les docteurs avaient dit il y a pas plus d'un an qu'ils devaient marcher avec ça pour toujours. And then all of a sudden they were healed. Et tout d'un coup ils étaient guéris. That is testimony that he wants to visit the house. Ça c'est le témoignage qu'il voudrait visiter la maison. And the purpose of doing this. Le but de faire ceci. Is that you may know that he has sent me. C'est de faire savoir qu'il m'a envoyé. Is that you may know that time is over. De savoir que le temps est fini. And that the Messiah is coming. Et que le Messie revient. And that you may know that the church will now regain her authority even among the nations of the earth. Et de savoir que l'église va bientôt retrouver son autorité parmi les nations de la terre. The pastor was sharing with me a little while. Le pasteur partageait avec moi il y a quelque temps. When we were coming here, he was saying it was so amazing. Pendant qu'on arrivait, c'était tellement merveilleux. That the leg of that woman that was weak, the leg that was weak. Que la jambe qui était faible. That leg was healed here. Elle était guérie ici. And she was standing there for many hours. Et qu'elle était debout pendant plusieurs heures. She is now walking in with her baby. Let us clap to the Lord. Maintenant, elle est en train de marcher avec son bébé. This is tremendous. This is absolutely tremendous. Ça, c'est vraiment merveilleux. But then now the normal leg that used to support her started trembling. The Lord did that she may continue now walking on the one that was healed. Maintenant, la jambe qui la soutenait commençait à faire des problèmes et pour marcher avec l'autre. We have heard many things here today. Nous avons entendu tellement de choses ici ce soir. But listen to me, precious people. Mais écoutez-moi, bien-aimé. I know that I am now finalizing on the message with the church. Je sais que je suis en train de finaliser le message pour l'église. And move to the next church this week. Et aller à la prochaine église la semaine prochaine. There is a lot more revelation I've not shared. Il y a beaucoup de révélations que je n'ai pas partagées. But I want to share just a little bit right now. Je voudrais en partager encore un petit bout maintenant. I know that on Wednesday I am meeting people here, right? Je sais que le mercredi je vais rencontrer des gens ici. Thank you, Pastor Marco Law. Merci, Pasteur Makalo. You can stand up. This is our contact person. Celui-ci est le contact pour notre ministère ici au Canada. That was able to do all this to allow us to visit this mighty, mighty house of the Lord. C'est lui qui a mis tout en place pour nous permettre de visiter cette maison puissante de l'Éternel. The Lord bless you, my son. Que l'Éternel te bénisse, mon fils. And anyhow, I know that Wednesday there are people that have requested about 47 people for me to meet them. Je sais qu'il y a à peu près 47 personnes qui ont demandé à me rencontrer. He is going to work with the pastor to see if I can meet them here Wednesday after your work. Et il va s'arranger avec le pasteur pour que je le rencontre ici le mercredi soir après votre travail. At first I was saying I will not meet people, let them just come into the service. Au début, j'ai dit je vais pas rencontrer les gens mais qu'ils viennent seulement au service. But then later the Lord has now prevailed upon me to meet them even as they want to be met because we are here to serve him. Et plus tard, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais les rencontrer, ceux qui avaient besoin de rencontre, parce que nous sommes là pour servir l'Éternel. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. The man that the Lord healed his eyes here. L'homme que le Seigneur a guéri les yeux ici. The Lord had written. It's amazing when the Lord was asking me to see if he can read. C'est émerveillant parce que le Seigneur me demandait de demander s'il pouvait lire. And in that conversation. Dans cette conversation. In the night before I met him, dans la soirée avant que je ne le rencontre ici, the Lord had written moment, le Seigneur a écrit le temps, and prepare the way, préparer la voie. And so I was speaking with him in that dream and said, can you read there? Je lui parlais dans ce rêve, je lui disais, est-ce que tu peux lire là-bas? And it was at the moment, prepare the way. Il dit, en ce moment, prépare la voie. It's really amazing how God speaks. C'est vraiment merveilleux comment Dieu parle. But he was reading things here. Il lisait des choses ici. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. There is no better time than now in the Church of Christ. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant dans l'Église de Christ. You are the generation that will see the return of the Messiah for the Church. Vous êtes la génération qui va voir le retour de Christ, du Messie pour l'Église. Don't take it for granted. Ne le prenez pas à la légère. Many have died without preparing the way. Plusieurs sont morts sans avoir préparé la voie. Hallelujah. But I want to share a little bit today. Je voudrais partager encore un peu avec vous. Before the anointing oil that I'm going to use to raise for the holy altar to the Lord here. Avant d'utiliser l'huile d'onction que je vais faire pour élever l'autel de Dieu ici. I want to share just one little thing the Lord has put in my mind, in my heart to share with you. Je vais juste partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. And then we'll slowly go into that last healing service. Et puis nous entrerons doucement dans le dernier service de guérison. And then I'll be slowly leaving on the way out. Et je quitterai doucement sur mon chemin de retour. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The book of Matthew, precious people. Dans le livre de Matthieu, bien-aimé. A few scriptures, but don't mind, I will explain them. Des passages, mais ne vous inquiétez pas, je vais les expliquer. Matthew chapter 8. Matthieu chapitre 8. I'm reading verses 1. Je vais lire à partir du premier verset. To verse 4. Au verset 4. He says, when he came down from the mountainside, large crowds followed him. Et lorsqu'il Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Immediately, he was cured of leprosy. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. I said it in the morning. Je l'ai dit le matin. And I will say it again. Je vais encore le répéter. The Lord is willing to heal you. Le Seigneur veut te guérir. The Lord wants to heal you. Le Seigneur voudrait te guérir. But there is an element of faith between you and the Lord. Il y a l'élément de la foi entre vous et le Seigneur. And that's why this revival is very pivotal in the church. Voici pourquoi ce réveil est pivotal pour l'église. Because this revival will quicken the faith of the saints unto the Lord. Car ce réveil va accélérer la foi des saints pour le Seigneur. That now our Lord is able to do all these things. Que maintenant notre Seigneur est capable de faire toutes ces choses. But the purpose for doing so is that we may prepare the way for the coming of the Messiah. Le but en faisant cela, c'est de préparer la voie pour le retour du Messie. I want to share something very critical. Bear with me. It's important I do this in this church. Je vais partager quelque chose, supportez-moi. C'est très important que je le fasse dans cette église. The book of Matthew chapter 17. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17. We are going to have the healing service, but I thought this was very important to share here. Nous aurons un service de guérison, mais je pense que ceci est important à partager ici. Matthew chapter 17. Matthieu, chapitre 17. I'm reading only verse 1. Je lirai seulement le premier verset. It says, after 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. If you can follow again what the Lord is saying here. Si vous pouvez encore suivre une fois de plus ce que le Seigneur dit ici. After 6 days. Après 6 jours. Jesus took Peter, James and John. Jésus prit Pierre, Jacques et Jean. 3 out of the 12. 3 parmi les 12. And he led them up to the mountain very high there to be by themselves. Il les a amenés sur la montagne à l'écart en étant seuls. I read with you previously. J'ai lu avec vous précédemment. On the book of Zechariah. Dans le livre de Zacharie. That at this time the Lord is saying, my people is the separated church. Qu'en ce moment, le Seigneur dit, mon peuple est l'église séparée. And we see that Jesus is able now to separate. Nous voyons que Jésus est capable maintenant de séparer. He is now able. Il est capable. To separate 3 out of the 12. De séparer 3 parmi les 12. When it came time for Jesus to demonstrate to them that look, this is the Messiah. Quand le temps est arrivé de leur montrer, voici ceci est le Messie. Look, this is Christ the Messiah. Voici Christ le Messie. I am the Christ. Je suis le Christ. It was not all the 12. Ce n'était pas tous les 12. He took Peter, James and John. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. In the book of Mark chapter 14. Dans le livre de Marc 14. When it was time to go to the garden of Gethsemane. Quand le temps est arrivé dans l'entrée dans le jardin de Gethsemane. To reveal the Christ the Messiah. Pour révéler Christ le Messie. He again took Peter, James and John. Il a une fois de plus pris Pierre, Jacques et Jean. But what is amazing about Matthew 17? Mais ce qui m'émerveille avec Matthieu 17 is that when he took them to the mountain of transfiguration, c'est qu'il les a amenés sur la montagne de la transfiguration. There was a visitation there. Et il y avait une visitation là-bas. And he was transfigured right before them. Et il s'est transfiguré devant eux. And then that was the time when they began to understand whom this Jesus of Nazareth is actually. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à comprendre qui était réellement Jésus de Nazareth. What his identity is actual. Quelle était son actuelle identité? Whom actually he is. Qui était-il actuellement? When he was glorified and transfigured and 2 messengers were sent to speak with him. Lorsqu'il était glorifié, transfiguré et qu'il y a eu 2 messagers qui étaient venus lui parler. He did not take the 12 disciples. Il n'a pas pris les 12 disciples. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. And when they came down, he said, "Don't tell them." Il a dit quand ils sont redescendus, ne leur dites pas. Until the Son of Man has risen. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme serait enlevé. The church. L'église. The Lord is now looking for a church that he can separate out. L'Éternel cherche une église qu'il peut mettre à part. So he may reveal himself to that church. Afin qu'il puisse se révéler à cette église. Do you see that church in Toronto? Vous voyez cette église à Toronto? I know you are going to say, yes, I am sitting in that church. Vous allez dire, oui, je suis dans cette église. Do you see that church in Toronto? Est-ce que vous voyez cette église à Toronto? He's now looking for Peter, James and John. Il cherche Pierre, Jacques et Jean. that he may be able to confide in them, to reveal the inner things about the Christ to them. Afin de se confier à eux, de révéler les choses les plus cachées de Christ à eux. So he may open up the secrets of the Messiah to them. Et ouvrir, nous ouvrir les secrets du Messie à ces gens-là. And the power of the Messiah to them. Et la puissance du Messie à ces gens. And that's why I wanted this, I thought this was very important for you. C'est pour ça que je dis que je pensais que c'était important pour vous. He is not doing these things for drama. Il ne fait pas ceci pour la comédie ou le drame. These were people in a lot of pain. C'était des gens qui souffraient. One of my daughters here was saying when she looked at the other woman who was walking with this stick for years. Et une de mes sœurs ici me disait quand elle a vu la vieille dame qui avait ce. You said she was crossing the street like she had never been lame at all. Et on a dit qu'on l'a vu traverser la rue comme si elle n'avait jamais eu de problème. But he is not doing these things in your eyes. Il ne fait pas ces choses à vos yeux. For no reason. Pour sans aucune raison. He is looking for Peter, James and John. Il cherche Pierre, Jacques et Jean. They represent the remnant church. Ils représentent l'église qui reste. They represent the minority that he has separated out for himself. Ils représentent la minorité qu'il a mise à part pour lui-même. And he's going to reveal things here and he will tell you please don't tell the rest. Il va vous révéler les choses et va vous dire s'il vous plaît ne dites pas. The secrets of God. Les secrets de Dieu. Because for a long time the church has just walked like that. Parce que pendant plusieurs années l'église a juste marché comme cela. Taking things for granted. Prenant les choses à la légère. But right now he's looking for intimacy with the church. God is doing that. Dieu en ce moment recherche l'intimité avec l'église. It has a church dimension. Ça a la dimension de l'église. I think this is one of the biggest revival that has now hit this church. Je pense que c'est le plus grand réveil qui a touché cette église. And the most important revival to hit this church. Et le réveil le plus important de toucher cette église. But it has a personal dimension. Mais cela a une dimension personnelle. He wants to revive your personal walk with him. Il veut raviver votre marche personnelle avec lui. He is asking, can I find Peter, James and John in you? Il demande, est-ce que je peux trouver Pierre, Jacques et Jean en vous? Remember they were only 12. Souvenez-vous qu'ils étaient seulement 12. And everybody hated Jesus. Et tout le monde haïssait Jésus. They wanted to kill Jesus. Ils voulaient tuer Jésus. That means there was a lot of hostility to the 12 also. Vous voyez que la foule était hostile aux 12 disciples comme de la même chose. When there is hostility on the 12, s'il y a l'hostilité sur les 12, it is obvious they walked together. Cela est clair qu'ils devaient marcher ensemble. It is obvious they watched each other's backs. Cela veut dire qu'ils gardaient le dos de chacun. But when Jesus wanted to go and reveal Christ the Messiah to the church. Mais quand Christ Jésus voulait révéler Christ le Messie à l'église. He asked Peter, James and John. Il a demandé à Pierre, Jacques et Jean. To separate out from the peer covenant they had in the 12. De se mettre à part, de sortir de l'alliance d'amitié qu'ils avaient avec les 12. It's called peer pressure, peer covenant, peer groups, peer membership. De la appartenance du groupe, de sortir de ces choses-là. They were tied together as friends and warriors for Christ. Ils étaient liés ensemble comme frères et des amis et combattants pour Christ. But when he wanted to go and now reveal the glory of the Messiah. Mais quand il voulait révéler la gloire du Messie. The Christ. Le Christ. Listen to me somebody. Écoutez-moi quelqu'un. He asked the three to separate out from the rest. Il a demandé aux trois de se séparer du reste. And it never ceases to amaze me. Cela n'arrête pas de m'étonner. That they could have refused. Qu'ils pouvaient refuser. In fact, they could have asked him. En fait, ils pouvaient lui demander. Lord, how about them? Why are you leaving them? Seigneur, mais qu'est-ce qu'il en est de? Pourquoi tu les laisses? Because they had a very tight covenant together. Parce qu'ils étaient très liés ensemble. They could have said, Lord, if we are going up there, it is only safer that we have large number. We bring the other nine. Et ils pouvaient dire, Seigneur, si on va aller là-bas, on serait plus en sécurité d'amener tous les 9 avec nous. But they were willing to separate out from the covenant, the fellowship that they had, and their fellowship and covenant with Jesus was now stronger than with the Nile. Ils étaient prêts à se séparer de l'alliance, de l'amitié qu'ils avaient avec les autres, et en cela, leur amitié, alliance avec Jésus, en est sortie plus grande. And that is what Jesus is asking this church today. C'est ce que Jésus demande à cette église aujourd'hui. Do you love me enough? Est-ce que vous m'aimez assez? To separate out from your peers. dear covenant in Toronto. De vous séparer de vos amis de l'alliance à Toronto. I know you are used to doing things together. Je sais que vous avez l'habitude de faire des choses ensemble. In your workplaces, you are used to walking together, talking together. Dans au travail, vous parlez ensemble, vous travaillez ensemble. The pastors fellowshipping together, calling each other, talking together. Les pasteurs qui s'appellent, qui sont là, qui font la communion ensemble. But when time comes for the Lord to reveal the Christ. Mais lorsque le temps arrive pour le Seigneur de révéler le Christ, the person of the Christ, la personne de Christ, he will demand that you separate out. Il va te demander de te séparer. That he may reveal himself to you to a greater level. Afin de se révéler à toi à un grand niveau. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. The nine remain at the bottom of the mountain. Les neuf sont restés au pied de la montagne. In Israel, that mountain is called Mount Hermon. En Israël, on appelle cette montagne Mount Hermon. Actually, there is snow up there. Et en principe, il y a maintenant de la neige là-dessus. And so you see that he left the nine down there. Vous voyez qu'il a laissé les neuf au bas de la montagne. And he took three up. Et il a pris trois et sont montés. That is symbolic of what the Lord is saying to the church, this church in Canada, in Toronto right now. C'est symbolique de ce que l'Éternel dit à cette église au Canada, à Toronto en ce moment. He's telling the church. Il dit à l'église. Separate out from the world. Séparez-vous du monde. And let us move into heavenly places now. Allons dans les lieux célestes maintenant. Let us focus heavenly now. Portons notre attention sur les cieux maintenant. And the revival that has begun here. Et le réveil qui a commencé ici. Will not die. Ne va pas mourir. If you are able to separate with him to heavenly places. Si vous êtes capable de vous séparer pour aller vers les lieux célestes. That you may separate out. Afin de vous séparer. The bottom of the mountain represents the world. Le pied de la montagne représente le monde. The top of the mountain where there is visitation represents the heavenly, heaven bound, heavenly focused. Le top de la montagne représente ceux qui sont en direction du ciel, qui sont consacrés au ciel. What the Lord did today in healing here. Ce que le Seigneur a fait aujourd'hui en guérison ici. What the Lord has spoken this week here. Ce que l'Éternel a dit pendant cette semaine ici. Of all the churches in Toronto. De toutes les églises à Toronto. Why would he love this little church? Pourquoi il aime cette petite église? And download his heart. Et reprendre son cœur. Which means he's telling her, please separate out. Ça veut dire qu'il vous dit, mettez-vous à part. Even in your personal life. Même dans votre vie personnelle. Separate out from the things of the world. Mettez-vous à part concernant les choses du monde. Leave the movie theaters alone. Laissez les salles de cinéma à part. Leave the wines and the strong drinks in your home alone. Laissez les vins et les boissons alcoolisées dans votre maison à part. Get rid of them into the garbage. Débarrassez-vous de ces choses-là, mettez dans les poubelles. He's saying, get rid of your mini skirts. Il dit, débarrassez-vous de vos mini-jupes. Get rid of your smoking and pornographies. Débarrassez-vous de vos cigarettes et de vos pornographies. Get rid of everything that is worldly in your life. Débarrassez-vous de tout ce qui représente le monde dans votre vie. Because he is now stepping on higher ground with the church. Car maintenant il va se mettre à un niveau élevé avec l'église. And there is going to be a visitation in the church. Et il y aura une visitation dans l'église. Hallelujah. And it's a glorious visitation. Il dit une visitation glorieuse. Same thing in Gethsemane. La même chose à Gethsemane. When it was time for him to reveal to them whom he actually is. Quand le temps est arrivé de se révéler qui il était réellement. He separated Peter, James and John. Il a séparé Pierre, Jacques et Jean. The Lord is looking for a remnant church. L'église, l'Éternel cherche l'église qui est à part. In this land of Toronto. Dans cette ville de Toronto. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. May the Lord help you to build a stronger and a holier life with Him. Que l'Éternel vous aide à bâtir une relation solide et forte avec Lui. I want to pray for people. Je voudrais prier pour les gens. Those that may not be feeling well. Ceux qui se sentent pas bien. I'm going to say a prayer, a very simple prayer here. Je vais dire une prière toute simple ici. But I want first the worship, the French worship song. Je voudrais la chanson d'adoration en français. So he can play the keyboard and then we can she will worship, they will just sit down as we worship. Et ils vont adorer, mais l'assemblée, vous allez juste rester assise pendant que l'équipe de louange est en train de jouer. And then after that, I will pray for those who may be not feeling well. Et après cela, je prierai pour tous ceux qui se sentent pas bien. And the Lord will heal you. It's well. Et le Seigneur va te guérir toi aussi. Your healing is here tonight. Ta guérison est ici ce soir. There is no way you can be a pastor when you are not yet healed. Il n'y a pas de raison pour que tu sois un pasteur sans que tu ne sois pas guéri. It will distort the testimony. Ça va détruire le témoignage. When you want to pray for the sick, they say, pastor, heal yourself first. Let the Lord heal you first. Lorsque tu voudras prier pour des malades, ils vont dire, pasteur, que le Seigneur te guérisse toi d'abord. So healing has come into your life, family and ministry today. La guérison est venue dans ta vie, dans ton ministère et dans ta maison aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The Lord is restoring testimony in the house. L'Éternel restaure le témoignage dans la maison. Even the young man here. Même le jeune homme ici. The Lord is restoring his testimony. L'Éternel restaure son témoignage. You play so well for him. Tu joues si bien pour lui. There is no way he can leave you unhealed. Il y a pas de raison qu'il te laisse sans guérison. In Kenya, we've seen a lot of diabetes healed. We've not even talked to all of them. Nous avons eu beaucoup de diabète qui ont été guéris et nous n'avons pas eu le temps de parler avec eux. They normally go back to the doctors. They measure the blood sugar. Doctors are shocked. Et ils vont chez le docteur en mesure le niveau de diabète et les docteurs sont choqués. It will happen in Toronto also tonight. Il va aussi arriver ici à Toronto ce soir. Dieu, toi le During this time, you can speak with him. Pendant ce temps, vous pouvez lui parler. Bless him. Le bénir. Ask him for whatever you want him to do in your life. Lui demandez tout ce que vous voudrez qu'il fasse dans votre vie. Tu t'es choisi pour moi. stand up on your feet, precious people. Si vous pouvez vous lever sur vos bien-aimés. If you have any pain somewhere, si tu as des douleurs quelque part, any disease or sickness, une quelconque maladie ou quelconque problème de santé, I'm going to ask you to take your hand and touch where that pain is. Je voudrais te demander de prendre ta main et de mettre ta main là où ce problème se trouve. Even as I begin praying right now, pendant que je commence à prier en ce moment, it doesn't matter what sickness it may be. Cela importe peu quelle maladie que c'est. Your day of healing has arrived. Ton jour de guérison est arrivé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. If it is headache, touch your head. Si c'est des maux de tête, touche la tête. If it is an ear, touch that ear. Si c'est l'oreille, touche l'oreille. I'm going to pray right now. Je vais prier en ce moment. And close your eyes. Et si vous pouvez fermer vos yeux. If it is your eyes, make sure you touch your eyes. Si ce sont vos yeux, assurez-vous de toucher vos yeux. Mighty Father, Father, you are so holy, very holy. And I bless you, precious Father in heaven, the Father of our Lord Jesus. Father, look, they are gathered here in the name of Jesus. And Father, they have different kinds of pains, maladies, sicknesses, diseases. Some of them have diabetes, Jehovah. Even he that is playing the keyboard in your mighty presence right now, Father, I want to appreciate you for the blood of Jesus. Look, precious, everlasting Father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, Israel, the God of Elijah, Moses, Daniel, and John the Baptist. Father, you can now release the healing anointing of the Messiah, the glory of the Messiah. In the name of Jesus, and relieve your people from pain right now. Jehovah, wherever they are touching, remove pain. Remove sickness. Let the tumors dissolve and burst out. Let the eyes that could not read be able to read your word. Father, open the deaf ears, that they may hear you. In the name of Jesus. The women with problems in their wombs, and the babies, Jehovah. Father, remove sugar from their blood and restore their blood sugar level. Let it be normal now in the name of Jesus. Everybody in the house, listen to this. Lift up, continue lifting up your touch where you have pain. Touchez là où vous avez mal. Your healing has come from the Lord right now. Votre guérison vient du Seigneur en ce moment. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Be healed right now. Soyez guéri en ce moment. Everywhere in this room. Partout dans cette salle. Father, heal them all across this room right now. Partout ils se trouvent dans cette salle en ce moment. Relieve them from pain right now. Délivre-les de souffrance en ce moment. Allow them now to do the things they could never do. Permets-leur de faire les choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Mighty Father. Puissant Père. Cement these testimonies by the blood of Jesus. Cimente ces témoignages par le sang de Jésus. Cover each one here with the precious blood of Jesus. Couvre chacun par le précieux sang de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I declare you are healing right now. Je déclare vous êtes guéri en ce moment. Somebody let us clap to the Lord. Si on peut applaudir pour le Seigneur en ce moment. Somebody clap to the Lord. Que quelqu'un applaudisse pour le Seigneur en ce moment. As we are finishing this service, en concluant ce service, I'm going to anoint the altar of the Lord. Je vais oindre l'autel de l'Éternel. But where you are, if that ear could not hear, close the one that was hearing and try to hear with the other one. Là où tu es, l'oreille qui avait des problèmes, ferme-la, écoute. Ferme celle qui écoutait bien et essaie d'écouter avec celle qui avait des problèmes. Close the one that was normal and start hearing with the other one. Ferme celle qui était normale et commence à écouter avec l'autre. And let me know whether you hear or not. Laisse-moi savoir si tu entends ou pas. And shout it very loud because there is a presence here. I can still pray for you. Écris très fort parce que la présence de Dieu, je peux continuer à prier pour toi. Shout very loud. Do you hear me? Est-ce que tu m'entends? Shout. Crie. Yes, you can hear me. Tu peux m'entendre? Let us clap to Jesus. Si on peut applaudir pour Jésus? Come over. Hallelujah. Viens ici. What was the problem with this ear? C'était quoi le problème avec cette oreille? Sorry? C'était comme si quelque chose était coincé à l'intérieur et c'est sorti. Something was stuck inside and it has left. Something was stuck inside your ear. Yes. For how long? Speak very loud. Since November. Depuis novembre. Since November. What was it like? Something was stuck in the ear. Yes. When did it leave? Right now. Right now. Juste quitter maintenant. Why are you not clapping for Jesus? Pourquoi vous n'applaudissez pas pour Jésus? Somebody stand up on your feet. Si vous pouvez vous lever là maintenant. We cannot even sit down anymore. On ne peut même plus s'asseoir maintenant. Because you don't know what this woman has gone through. Non, vous ne comprenez pas ce que cette femme a enduré. Every single healing the Lord has done. Toute guérison que le Seigneur fait. We must give him glory. Nous devons lui donner la gloire. Only he knows why he chose to heal her. Seul lui connaît pourquoi il a choisi de la guérir. Come here now. Venez par ici maintenant. Now tell me, how was the feeling when it left? Quelle était l'impression lorsque c'est sorti? She felt some air came out. Is it air? Elle a senti comme de l'air qui sortait. She felt like air came out. De l'air qui sortait de là. November is far. Novembre, c'est loin. November is last year. C'est novembre de l'année passée. And remember, your ear, souvenez-vous, l'oreille, has a lot to do with your balance. Implique beaucoup la balance, l'équilibre. So even you try to drive or you are walking, you feel you are not well balanced. Si vous essayez de conduire, de marcher, vous sentez que vous n'avez pas l'équilibre. They are now seeing Jesus through you. Maintenant, ils vont voir Jésus au travers de vous. What would you want to tell Jesus? Qu'est-ce que tu voudrais dire à Jésus? Thank you, God. I said, thank you, Lord. Elle dit, oh, merci, Seigneur. Listen to me, somebody. Écoutez-moi. Hallelujah. I am so blessed. Je suis tellement béni. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. A cripple getting up from a chair. Un paralytique qui se lève d'une chaise. Or an ear with something stuck, poop come out. Ou l'oreille qui est soudain coup ouvert. They are the same. C'est la même chose. They are all the healing power of Jesus. C'est la puissance de guérison de Jésus. He is saying, il dit, he is willing to heal the church. Il veut guérir l'église. You are born again, right? Vous êtes né de nouveau, n'est-ce pas? Yes. Walk in holiness, my daughter. Marche dans la sainteté, ma fille. I know you are, but just move on now as we wait for the coming of the Messiah. Je sais que tu le sais, mais continue davantage. Everybody lift up your hands. Si on peut tous lever les mains. Close your eyes. Ferme tes yeux. Father, in the name of Jesus, thank you for healing this ear. Thank you so much for healing this ear and setting her free. Thank you, Lord. Amen. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. Those that had pain, look for that pain. I'm about to leave this place. Ceux qui avaient des douleurs, et checkez, revérifiez si vous avez encore des douleurs. Because the Lord has said. Car l'Éternel a dit. That now I should anoint the altar and walk away. Je dois maintenant oindre l'autel et m'en aller. It has been such a blessing. C'était une telle bénédiction. And the glory of the Lord will remain in this church. Et la gloire de Dieu qui demeure ici. For as long as you walk in righteousness, aussi longtemps que vous marcherez dans la justice, and holiness, et dans la sainteté. Tell me anyone where, if you can, if I always I lo, not longing, but I look for people with horrendous pain. Je cherche généralement des gens qui avaient des douleurs terribles. And then I want to know after the prayer, people, very fast in the name of Jesus. Très rapidement, si vous avez eu, vous avez été guéri, les douleurs ne sont plus là. Hallelujah. Amen. Now everybody be witness to this. Maintenant, soyez tous témoins. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. You are the mighty God of Elijah and Moses. You are the King of Israel. And Father, now I raise for you a holy altar in this nation of Canada. That out of this altar, Jehovah, your glory will fall into this land. And revival will hit this land like an avalanche, like a storm. The lame will walk, the deaf will hear, the blind will see. And the good news of the coming of the kingdom of God will be preached. I have sealed this today with my prophetic tongue in the name of Jesus. So Holy Spirit be my witness. This shall be called the house of the Lord. Amen. Amen. Let us clap to the Lord. Si on peut applaudir pour l'Éternel. I bless the Lord. Et on bénit l'Éternel. I bless the Lord. Je bénis l'Éternel. Let me pray for your precious baby. Je voudrais prier pour votre bébé. Your precious baby, I pray for le your baby. Le bébé que vous avez. Come baby, I bless you. Je voudrais te bénir. Sorry. Her niece. Yes. Let c'est me pray for your niece. Je vais prier pour cet enfant. What a blessing, baby. Quel bébé béni. Everybody bring your babies here. Tout le monde amène vos bébés ici. I can pray for the babies. Je voudrais prier pour tous les bébés, les petits enfants. Bring all your babies here. Amenez tous les bébés ici. You just be here, don't worry. Restez là, n'ayez pas peur. Thank you, the Lord bless n'ayez pas you. Peur. Que le Seigneur te bénisse. N'ayez pas peur. Do that as fast as the Lord can allow you. Faites-le aussi rapidement que le Seigneur peut le permettre. Oh, very, very important. Thank you so much. Merci. The Lord was speaking with me about you in the night. Le Seigneur me parlait de toi la nuit. I thank God I came down from the car to pray for you. Je remercie Dieu que je sois venu pour prier pour toi. And so, let me pray for you now. Je vais prier d'abord pour toi. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Bless her mightily. Bénis-la puissamment. And bring her very tight and close to you. Amène-la tout proche de toi. On this walk. En cette œuvre. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I'm praying for the babies now. Je vais prier pour les bébés en ce moment. Is this your baby? That's your niece. Yes. Thank you so much. That's all right. I'm praying for all the babies. Je prie pour tous les bébés. I'm praying for all the babies. Everybody with babies. Okay, everybody lift up your hands. Si tout le monde de l'assemblée peut lever la main. Mighty Father, in the name of Jesus, Lord, I dedicate all these babies to you, that their parents will bring them up in a God-fearing way, and that you will provide for their parents, Jehovah. I am counseling sickness and disease from the lives of these babies in the name of Jesus, that these babies shall live to glorify the holy name of the Lord. Lord, these babies will bring forth a mighty love of God into their homes, that through these babies they will see the love of God Almighty. Lord, even the marriages, I am cementing these marriages by the blood of Jesus, that the enemy will not attack the marriages in which these babies are. I have blessed all these babies in the precious and holy name of Jesus. Amen. Let's clap to the Lord. Applaudissons pour le Seigneur. It will be mighty. Ça sera puissant. It will be mighty. Now, Father, in the name of Jesus, thank you for healing him and restoring him. Amen. Pastor, please. Pastor, s'il vous plaît. Even your baby, it's well. Et ton bébé, where is your wife? Ta femme. Even your baby that is in the hospital, it's well. Votre bébé à l'hôpital va bien. In the name of Jesus, everybody lift up your hands. Que tout le monde lève les mains. Father, in the mighty name of Jesus. Père, au nom puissant de Jésus. Lord, I ask you to bring tremendous healing into this home. And today, I command diabetes to leave your fiber in the name of Jesus. And I command a special healing even into the life of your baby in the hospital, in the most holy and most anointed name of Jesus. Amen. Thank you so much. Let us clap to the Lord. Applaudissons pour le Seigneur. Thank you so much, precious people. Merci beaucoup, bien-aimés. We love you. On vous aime. With this oil. Father, in the mighty and most holy name of Jesus, let the power of the Holy Spirit fill this bottle, that even as anything may happen, Jehovah, she can use this to touch where there is sickness, and there will be healing according to your precious and most holy word. And that out of this, Jehovah, this is a symbol of purity that is entering her life. In the name of Jesus, amen. Thank you so much. The Lord bless you. Close it now. Fermez ça maintenant. Amen. The Lord bless you. Why is it half? Okay, Father, in the name of Jesus, let this be the symbol of the power of the Holy Spirit. Even as every drop will touch down, so will be the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus. Amen. Thank you so much. I love you so much with the love of Christ. Je vous aime beaucoup avec l'amour de Christ. What a tremendous house of the Lord. Quelle maison merveilleuse de l'Éternel. I am so blessed. Let us clap for Jesus. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. I am so blessed. Je suis tellement béni. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. I know that now the ship is rearing away from the land. Je sais que maintenant le bateau est sur le point de quitter la terre. We have a mighty fellowship with the pastor. Nous avons eu une communion puissante avec les pasteurs. In fact, we have big things that are going to happen. I'm still here, even in the spirit. Il y a des grandes choses qui vont arriver. Je suis toujours ici en esprit. And the Lord has invited him to Kenya. Et le Seigneur l'a invité au Kenya. I can say it a million times. Je pourrais le dire un million de fois. And it's going to be mighty because he will light up and he will catch up even on what is happening on the other side of the Atlantic. Il va saisir et toucher ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. There is a big fire of revival that has been lit up here. Il y a un grand feu de réveil qui a été allumé ici. It can only get better. Ça ne peut que les s'améliorer. From glory to glory. De gloire en gloire. Thank you so much for being loving the Lord so much. Merci d'aimer le Seigneur tant comme vous le faites. Hallelujah. Hallelujah. Like I said, comme je l'ai dit, I am just a village preacher. Je ne suis qu'un prédicateur de village. That was sent by the Most High God. Qui a été envoyé par le Dieu Tout-Puissant. Remember everything I said here. Souvenez-vous de tout ce que j'ai dit ici. Walk that walk. Marcher la marche. It's a narrow path. C'est un chemin étroit. But it will always lead you into the kingdom of God. Mais il vous conduira toujours au royaume de Dieu. Next week, I know we are in another church. You may have the direction. Those who want to come there. Je sais que la semaine prochaine, j'aurai dans notre église. Ceux qui voudront venir, vous aurez les directions. But then, on Wednesday, I am told I'll be meeting people, those who had requested, the 47 who had requested that I meet them here. Je sais que mercredi, je rencontrerai les 47 qui ont demandé que je les rencontre ici. Wednesday evening. Le mercredi soir. So it may not interfere with your work. Afin que cela ne vous perturbe pas votre travail. How many have not received the Lord here before I leave? Combien n'ont pas encore reçu le Seigneur ici? It is well in the house. Ça va très bien à la maison. I must always ask. Je dois toujours demander. Because that is the most important miracle in the house of God. C'est le miracle le plus important dans la maison de l'Éternel. So thank you so much. Merci beaucoup. If I don't see you, si je ne vous vois pas, make sure you enter into the wedding of the Lamb of God. Assurez-vous d'entrer dans le mariage de l'agneau de Dieu. But as it is, comme il est, probably the Lord will organize other meetings in Canada. Probablement que l'Éternel va organiser d'autres rencontres au Canada. That others too may hear about the coming of the Messiah. Afin que d'autres aussi puissent entendre le retour du Messie. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom of Rahab. Shalom de tout le monde. Thank you. Oui, on peut acclamer très fort le nom du Seigneur ce soir. Give a mighty clap of hand Gloire for the Lord tonight. Glory to the Lamb of God. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Glory to the Lamb.